Bonjour auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à l'émission Forum Jeunes. Au micro, vous êtes avec moi Pacifique Chubahiro. Le mois d'octobre est un mois triste pour le Burundi où dans ce seul mois, le pays commémore deux tristes anniversaires. Il s'agit de l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis Gwagasore, et le héros de la démocratie, feu président Melchior Ndadaye. Les deux personnalités sont reconnues comme étant des porteurs de messages d'union et de démocratie au Burundi. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se demandent si leurs idéaux inspirent encore les politiques ou dans une plus large mesure les nouvelles générations. La perception de leurs idéaux ainsi que l'impact sur la vie politique du Burundi est l'objet de notre émission au Forum Jeunes. Pour en débattre dans ce studio, nous sommes avec deux invités. Je vous présente Emile Akizimana, représentant légal de l'Action for Peace and Development. Bonjour et bienvenue dans cette émission Forum Jeunes. Bonjour. Et si on parle de votre association dans quelques mots, c'est quoi? Action for Peace and Development, c'est une association qui réunit les jeunes burundais qui est partie de l'accord d'Arusha, si je peux dire. On est parti de ce constat, de ce cycle de violence qui n'en finissent pas. Et on se demande pourquoi, malgré tant des intellectuels, tant des autorités que le Burundi a connues, on tombe toujours dans les mêmes erreurs. Voilà, nous y reviendrons. On parle de la paix, on parle d'Arusha. Arusha, aujourd'hui, c'est aussi d'actualité. Je dis également bienvenue à Anissé Nyamweru, blogueur dans le collectif des blogueurs Yaga Burundi. Bonjour et bienvenue dans cette émission Forum Jeunes. Bonjour. Vous avez rédigé un article. Nous y reviendrons par rapport au discours que le prince Louis Gwagasore pourrait tenir aujourd'hui, plusieurs années après son assassinat. Oui, bon, c'est un billet de blog. J'essayais de m'imaginer un discours que le prince Louis Gwagasore pourrait écrire aujourd'hui à la génération actuelle, vu la situation actuelle du pays. Nous y reviendrons. Une idée que j'ai déjà lu ça. À la technique, nous sommes avec Albert Ndouayo. Vous êtes également nos invités via téléphone, chers auditeurs et auditrices. Et vous pouvez également nous appeler et recevoir vos appels au 22 24 66 01 et vous pour donner vos avis au cours de cette émission au Forum Jeunes. À vous tous, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Voilà, je commence par Anissé. Dans votre blog, dans votre billet, vous avez montré qu'une fois que le prince Louis Gwagasore revenait, donnerait un discours de quelqu'un qui n'est pas satisfait par rapport à ce qui s'est passé après sa mort. Oui, d'un côté, quelqu'un qui n'est pas satisfait, mais d'un autre côté, quelqu'un qui quand même voit une lueur d'espoir et qui... écoutez, j'ai dit aujourd'hui, il y a quand même quelque chose, bon, une situation qui n'est pas satisfaisante. On voit, selon la classe politique actuelle du Burundi, bon, écoutez, après l'indépendance, vous savez que avant la colonisation, les Burundais étaient un seul peuple, uni. Il n'y avait pas cette histoire de Hutu, Tutsi. Et ce n'est qu'après l'arrivée des colons que ces colons ont amené ce soit de Hutu et Tutsi pour instrumentaliser la société burundaise dans la politique, bien sûr, de diviser pour régner. Donc, c'était... Mais malheureusement, on voit que après l'indépendance, il y en a ceux qui ont continué cette politique de diviser, bon, opposant les Hutus aux Tutsi, les Tutsi aux Hutus et les Twa. Alors je dis aujourd'hui, Gwagasore dirait non, ça c'est pas le Burundi qu'on avait promis quand on luttait pour l'indépendance. On souhaitait un Burundi uni. Comme avant l'arrivée des colonisateurs en Burundi, où il y a un seul peuple, le peuple burundais, et en Burundi, qui finalement se lance dans la prospérité, dans les travaux de développement, pour, en combattant bien sûr la pauvreté. Mais d'un autre côté, je me dis, il y a encore une satisfaction, parce que en même temps que cela étant, il y a un autre groupe de Burundi, de Burundais, et ils sont nombreux, heureusement, qui aujourd'hui ont pris conscience que finalement cet ethnisme, cette histoire d'auto-étude n'a été qu'une invention des colonisateurs, et qui aujourd'hui qui disent, écoutez, on est un seul homme, on est un seul peuple, et on doit avancer comme un seul peuple burundais comme avant. Voilà ce que vous avez retenu en résumé par rapport à l'héritage du prince Louis Gwagasore, mais que dire de l'héritage de Feu Melchior Ndadaye? Écoutez, pour Gwagasore, ce n'est pas seulement cela, parce qu'il y a quand même quelque chose qui fâche. J'ai dit dans ce billet que malheureusement, aujourd'hui, on voit une classe politique. Il y a d'un côté ceux qui se sont solidarisés avec, les Occidentaux, et ceux qui partent. Et d'un autre côté, il y a d'autres qui disent, non, écoutez, nous devons défendre fortement la souveraineté de notre pays. Et donc, cela, c'est comme avant. Quand Gwagasore et les autres luttaient pour l'indépendance et qu'ils voulaient une indépendance immédiate, d'un autre côté, il y avait un autre groupe, petit, si vous voulez, mais qui était financé et qui était encadré par les colonisateurs. Ceux-là luttaient pour l'indépendance tardive. Bon, ils disaient qu'on veut une indépendance tardive. Et on analyse la situation politique d'aujourd'hui, écoutez, on peut se représenter. Il me semble qu'il y a... Qu'on n'a pas fait un grand pas par rapport à l'époque de Gwagasore. Je dis que c'est presque la même chose. Il y en a ceux qui, aujourd'hui, se solidarisent avec les Européens, les Occidentaux, qui veulent se mêler dans les affaires internes du pays. Mmh. Et d'autres qui disent... que je donne la parole à Émile et à Kizimana, sinon il peut se fâcher pour avoir monopolisé la parole. Émile et Kizimana, si on parle du mois d'octobre au Burundi, nous avons le 13 et nous avons le 21 pour deux dates différentes, mais des événements finalement qui se rencontrent et qui sont tristes pour les Burundais. Qu'est-ce que vous retenez pour les deux héros? Et premièrement, le mois d'octobre pour le Burundi, c'est symbolique, c'est douloureux et on regrette et on imaginait que ça ne sera plus rapide, parce que les deux, ça suffit. Consacrer des héros, ça suffit. Mais pour Gwagasore, c'était la période. Il fallait que les Africains prennent les affaires du pays en main. Il fallait que on recouvre la liberté. Il ne fallait plus servir à cet étranger qui s'est invité, qui y a occupé illégalement le pays, qui a mis sous esclavage les Burundais. Et Gwagasore, malgré qu'il était d'une classe privilégiée, il était le fils du roi, il a aperçu en premier ça et il a pris le devant. Ce n'était pas qu'il était obligé. Il ne manquait en rien, mais il a osé, quitte à ce que même il a quitté le domicile royal pour aller s'installer à Gatala, le bas peuple, ce qui était presque un sacrilège, mais un crime pour un prince qui va s'installer au fin fond. Mais c'était pour connaître la population burundaise en qui il avait pitié et à laquelle il voulait servir. Tout en parlant de Gwagasore et Melchior Ndadaye, qu'est-ce que vous retenez comme héritage qui pourrait aider le Burundi? Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été respecté ou suivi par les politiciens. Oh. Malheureusement, pour Gwagasore, partant même de son discours, qui reste même aujourd'hui légendaire, il disait, malgré que nous venons d'avoir notre indépendance, ils partaient de l'expérience qui s'était produite malheureusement au Congo, où Patrice Lumumba, de par son discours qu'il avait prononcé, ça a fâché, ça a provoqué des violences. Mais lui, il a été malin. Il a dit, bien que vous nous accordez l'indépendance, bien que vous nous cédez le pays, le pouvoir, c'est le fardeau, c'est lourd, vous le mettez sur nos épaules, mais n'allez pas loin. Restez nos partenaires, nous appuyez comme des enfants et nous reconnaissons votre paternité. Mais ce n'était pas parce qu'il aimait ça, mais il savait de quoi la transition, parce que c'était pas, il n'était pas content de quitter, les Belges n'étaient pas contents de quitter ce pays. Mais lui, il savait la sensibilité, de quoi ils étaient capables en termes de revanche. Là, ça a passé. Et pour Ndadaye, 3 mois, est-ce qu'on pouvait l'évaluer? Mais en matière politique, c'est après 100 jours qu'on commence à évaluer qui a fait quoi, est-ce que, même on projette même dans l'avenir. Ndadaye, même si on ne le dit pas, il disait qu'il y a un peuple qui est opprimé, qu'il y avait une majorité Hutu qui n'accédait pas aux biens et aux services du pays, malgré qu'il est le premier contributeur. Il y prenait l'équité. Il y prenait l'équité. Mais malheureusement, comme on est au Burundi, on ne dit pas directement ce qu'on ressent. D'où ce qui n'était pas de son obédience politique. Il disait que la démocratie de masse, c'était égal la discrimination pour l'autre. Si on est terre à terre, il disait que les Tutsis, avec un homme et une voix, ils allaient perdre. Mais est-ce que Ndadaye, celui qui avait amené ça? Non, il y avait la conférence de la Bole. Des pays africains, il fallait instaurer le multipartisme pour accéder aux accords de développement. L'accord, le fameux accord de Cotonou, qui aujourd'hui nous subissons. Alors, qu'on le voulait ou pas, c'était un phénomène qui était là, il fallait le multipartisme. Certains pays qui avaient beaucoup de moyens financiers et d'informations, ils ont repoussé, ils ont retardé ce processus parce qu'ils voyaient que plus nous entrons dans le système démocratique subitement, il allait y avoir des cases. Mais on le dit, là je ne peux pas l'affirmer, que Ndadaye lui aussi, il prenait qu'on puisse créer un système de transition avec ce qui était au pouvoir, l'associer. Quitte à ce que doucement, il accède au pouvoir parce que lui, on le voyait qu'un homme. C'était un homme dopé, si vous pouvez le dire. Certains le disent, moi je ne peux pas affirmer ça, mais lui, on dit qu'il le percevait. Il disait que le changement brusque, quoi que l'on fasse, avec un pouvoir qui est là pendant plus ou moins 30 ans. Et ceux qui l'ont côtoyé disaient qu'il y avait certains qui voulaient absolument que ça se fasse par les armes, l'accès au pouvoir. Et Ndadaye, lui, il disait que c'était carrément impossible, qu'il fallait privilégier la voie du consensus et passer par les élections. Oui, pour ce qui, si j'ai bonne mémoire, en 1993, il y avait une attaque ici à Bujumbura. On disait que c'était Palpe Hutu qui avait attaqué, mais que lui, la voie des armes, il n'était pas de ce côté-là. Il disait que de toute façon, il faut que par des moyens pacifiques, on arrive au pouvoir, mais qu'on arrive aussi à ne pas. Mais en politique, on ne sait pas parce que c'est la concurrence. Qu'est-ce qui s'est passé pour que on apprenne ça quelques années après? Parce que même ceux qui étaient là, les armes ont pris le dessus. Oui. Par après, je retourne du côté de Anissé. Ici, Émile vient d'évoquer un aspect que nous puisons dans le passé, mais qui nous revient dans le présent. L'aspect par rapport au discours de Ouagasolé, lorsqu'il disait que les Burundais doivent aussi apprendre des Belges, malgré que maintenant ils sont indépendants, qu'ils ont beaucoup à apprendre d'eux. Aujourd'hui, il y a un discours qui tranche avec le discours de Ouagasolé qui dit que les colonisateurs ne devraient pas s'immiscer, ne devraient pas s'ingérer dans les affaires du pays ou ne devraient pas tout simplement être des partenaires des Burundais. Comment vous comparez ces deux messages? Oui, oui. La coopération entre les États, ça c'est normal. La coopération entre les États. Mais ce que les gens, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que cette coopération, cette amitié que nous avons avec d'autres pays ne doit pas être synonyme d'ingérence dans les affaires du pays. Oui, oui, c'est la coopération. Les aides, oui, on en a besoin parce que le Burundi était à ce temps-là, lors de l'indépendance, c'était un pays jeune. Il fallait qu'ils reçoivent des soutiens, des aides de part et d'autre pour qu'ils puissent avancer. Mais les aides qui ne viennent pas comme un moyen d'imposer ce que les anciens colonisateurs veulent au Burundi. Et par rapport à ce qu'il disait Dondadaye, je crois que il faut retenir deux choses. Sur Ndadaye. Sur Ndadaye. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui quand même a essayé de lutter pour la démocratie. Parce que, écoutez, le Burundi avait passé plus de 30 ans avec des dictatures militaires, si vous voulez. Alors, c'est quelqu'un qui est venu pour dire non, il faut que le peuple exerce ce droit civique d'élire ses dirigeants. Et donc, même aujourd'hui, c'est ce qui devrait être prôné et c'est ce qui doit être fait. C'est-à-dire que personne ne rêve plus arriver au pouvoir sans passer par les urnes. Donc, il faut laisser ce droit au peuple de se choisir des dirigeants. C'est-à-dire, c'est le peuple qui décide. Et une fois le peuple a décidé, il faut reconnaître ce qui sort des urnes et s'incliner. Et donc, vous savez, au Burundi, il y avait un adage qui disait que, bon, même l'adage est là toujours, que ah oui, parce que même si on analyse les discours, que ce soit le discours de Guagasore il y avait cette tolérance. Il disait c'est la démocratie qui gagne aujourd'hui. C'est pas seulement l'Iprona, c'est pas seulement l'offre debout qui avait gagné, mais c'est le peuple burundais. Et il disait donc maintenant il faut qu'on soit ensemble, qu'on coalise, qu'on conjugue nos efforts pour se pencher sur les problèmes qui minent le pays, dont la pauvreté. Et donc, vous sentez que c'était quelqu'un de rassembleur. Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que on dirait que quand on dit en Kirundi, Utsinzwe Nibatsindaho, on dirait que finalement, Utsinze Arriwe Batsindaho. Parce qu'on a vu que Guagasore, lui, il avait remporté les élections, il a été assassiné. Ndadaye, de même, quelle faute avait-il commis? Aucune. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on se mette d'accord. Justement, si on parle d'aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'on a capitalisé les idéaux de ces deux héros de l'indépendance et celui de la démocratie? Oui, oui, oui, oui. Dans quelle mesure? Mais bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui était content de ces discours. Parce qu'il y en avait d'autres qui, bon, par exemple, le discours d'Ondadaye, il y avait ceux qui étaient habitués à des régimes dictatoriaux. Alors, ceux-là n'ont pas été contents. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il y a encore ceux qui rêvent d'arriver au pouvoir en passant par d'autres chemins qui ne sont pas les urnes. Mais heureusement, la grande majorité de la population dit, écoutez, plus jamais. On a connu des guerres, on a connu des chicaneries inter-ethniques, mais maintenant, assez. On est comme un seul peuple et on est décidé à défendre la démocratie, la souveraineté du pays. Et là, on ne va pas, personne ne va nous empêcher de défendre cette démocratie chèrement acquise. Je retourne du côté de Émile Hakizimana. La question est presque la même. Avons-nous sauvegardé les idéaux de ces deux héros? je voulais répondre par oui et non. D'abord, le contexte change. Sous la période des indépendances en Afrique, il y avait une solidarité au niveau même des pays africains. Un pays qui accédait à l'indépendance faisait tout pour parrainer, pour aider son voisin à faire comme lui. Est-ce que pour le moment, on peut dire que les pays africains s'entraident pour le moment pour dire « Moi, j'ai réussi à gagner un partenariat gagnant-gagnant, win-win, avec mon ancien colonisateur ?» Non. Est-ce que pour le moment, la démocratie, est-ce que c'est un système adapté à notre pays, le Burundi? Tel que l'imaginait peut-être Melchior Ndadaye ou Ouagasso. Oui, presque comme la conférence de la Bolle l'imaginait. Est-ce que c'est, n'est-ce pas, un pays, qu'on a un produit qu'on aurait copié d'un pays occidental pour coller en Afrique et au Burundi? Mais loin du contexte, quand même, les valeurs restent... ne change pas souvent. Les valeurs qu'ils véhiculaient, les deux héros, est-ce qu'on a capitalisé ça dans la vie politique au Burundi? Bon, pour le moment, théoriquement, on peut dire oui. Mais en pratique, Ouagasore, est-ce qu'on a un autre Ouagasore pour le moment? Est-ce que Ndadaye, pour le moment, on a un autre Ndadaye? Non, on doit avoir d'autres personnes. Mais le problème est là. Pourquoi? Nous savons ce qu'ils ont fait, ce qu'ils voulaient. Ils nous ont laissé des discours. On n'arrive pas quand même à améliorer, à amener en plus. Où se trouve le problème alors? Malheureusement, nous avons beaucoup de diplômés. Puisque en 1960, on dit qu'il y aurait... C'était 4 licenciés comme ça. Docteur, on ne sait pas c'est... Aujourd'hui, il y a des milliers. Il y a des milliers. Intellectuellement, on a évolué. Nous lisons beaucoup. Nous voyageons beaucoup. Mais apparemment... on n'apprend pas grand-chose. Il y a l'Internet aujourd'hui. On peut voyager même aux États-Unis virtuellement sans quitter Bujumbura. Mais pourquoi on ne peut pas copier ce qui est beaucoup plus meilleur? Nous manquons cette intelligence-là, alors qu'il est à notre disposition. Justement, pour activer cette intelligence, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces idéaux ne soient pas lettres mortes pour ces héros de l'indépendance et de la démocratie? Qu'est-ce que la jeunesse burundaise aujourd'hui pourrait faire pour capitaliser ces idéaux de ces deux héros? Bon, d'abord, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Ce qui gouverne aujourd'hui, ce qu'on gouvernait hier, ils ont fait quelque chose de positif. Ils ont manqué à arriver à doter des résultats, mais demandons-nous pourquoi ils n'ont pas arrivé à ça alors qu'ils le voulaient. L'autre de ce pays-là, demain, c'est cette génération-là qui va les relayer. On ne peut pas critiquer éternellement, on ne peut pas se lamenter éternellement, mais il faut aussi qu'on s'acquise, qu'on se récuse. Pourquoi qu'on fasse une introspection. Oui, parce que le monde, nos voisins, ils avancent. Nous, on recule. Alors que nous avons des personnes sur lesquelles il faut copier. Oui. Monsieur Anissé, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à la jeunesse burundaise, aux politiciens, pour que nous puissions capitaliser les idéaux de Ouagasore et de Melchior Ndadaye? D'abord, parlant de ce que mon frère disait, en matière de démocratie ou bien de gouvernance, cette histoire de copier-coller, ça ne va pas. Il faut qu'on se convienne qu'il y a des réalités occidentales qui ne collent pas avec nos propres réalités, vu la culture, le contexte, l'histoire. Et donc, on ne peut pas faire toujours du copier-coller ce que les Occidentaux veulent et qu'il faut les appliquer nécessairement à la lettre ici au Burundi. Ça ne va pas. Et puis, concernant ce que les jeunes... Pour moi, je trouve que les jeunes devaient quand même voir, adopter cet esprit de patriotisme. Il le disait Émile, Ouagasore, c'était un prince. Il ne manquait de rien. Mais il a dit, non, écoutez, moi, je me mets devant et je vais lutter pour l'indépendance. C'est le patriotisme. C'est... Il est de même pour Ndadaye, lui aussi, il a consacré, si vous lisez sa biographie, vous trouvez qu'il avait toujours cette idée de réunir les Burundais. Et donc, cet esprit de patriotisme aimait le Burundi. Aimer le Burundi, travailler pour le Burundi. C'est bien, oui, il est vrai, des problèmes, il y en a. Mais ces défis, on doit les relever du jour le jour. Et il disait, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Et je trouve plutôt qu'il faut être optimiste. Dire, oui, nous sommes des Burundais, des défis, il y en a. Même ceux qui se sont, ces pays développés, en cet moment, ils ont eu des défis. Oui, oui, ils ont eu des défis. Des problèmes, tu te fais même des crises. Alors, je dis, il faut être positif et avancer dans le positivisme. Ensemble, nous allons y arriver. Voilà, le débat était chaud. On aimerait poursuivre notre émission, mais le temps, c'est le temps, on n'a pas à trancher. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission de la BBC et... Quant à moi, Pacifique Chubaïro, je vous dis merci pour avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que nous débattions sur l'impact des idéaux de Melchior Ndadaye et de Gwagasore sur la vie politique du Burundi et surtout ce qu'il faut retenir pour les générations actuelles et pour le futur. Nous remercions Emile Hakizimana, représentant légal de l'Action for Peace and Development. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Je dis également merci à notre invité, Anissé Nyamwelu, blogueur dans le collectif des blogueurs Yaga Burundi. Merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et au micro, vous étiez avec moi, Pacifique Chubaïro, à la mise en onde. C'était Albert Ndouayo. Nous vous souhaitons tout simplement une bonne écoute des émissions de la radio Isanganiro.